Fin de l'obésité en littérature. Enregistré et lu par Zeku à Tournai en Belgique durant mai 2015. Fin de Contes humoristiques de Théophile Gautier.